Kwirigira. Et Metu Samite Boutia sur la mise en onde. Encore une fois, bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les grands titres. Mais d'abord, bon appétit, vous qui êtes à table ou qui mangez de la pâte. Mais sachez que l'importation des graines, de farine, de maïs est désormais interdite au Burundi. Cette denrée alimentaire contient des éléments toxiques ces derniers jours. Vous aurez les explications du ministère du Commerce. Et les anciens employés des entreprises fusionnées dans l'Office burundais de l'habitat au Bourra craignent des licenciements. Ils demandent des contrats de travail afin de traiter cette fusion de, comme il en a été pour le cas de fusion de la Subgea et Air Burundi. Et à Rumonge, deux hommes sont détenus au cachot de la police. Ils sont accusés de complicité à l'avortement. Et dans la chronique santé d'aujourd'hui, on va revenir sur le port de masque. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, l'importation de graines et de farine de maïs est interdite sur le sol burundais pendant une période de 6 mois depuis le 8 mars 2021. Déclaration du secrétaire permanent au sein du ministère ayant le commerce dans ses attributions. C'était dans un communiqué sorti ce mardi. Jérémy Baniguaninzigo explique que ces derniers jours, il s'est remarqué dans cette denrée alimentaire des éléments toxiques à la santé humaine. Suivez-le. Le ministère du Commerce, Transport, de l'Industrie et du Tourisme porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs de farine et de maïs qui observent ces derniers temps l'importation de graines et farine de maïs ayant une teneur élevée de mycotoxines telles que les aflatoxines et les fumonisines sont connues pour être cancérigènes. Compte tenu de la production de cette saison culturelle A, le ministère voudrait informer les opérateurs économiques que des mesures de sauvegarde viennent d'être prises en interdisant toute importation de graines, de farine et de maïs pendant une période de 6 mois, à partir d'hier, 8 mars 2021. Jérémy Baniguaninzigo, il est secrétaire permanent au sein du ministère ayant le commerce dans ses attributions. On s'excuse sur la qualité sonore de cet élément. Et des Burundais en quête d'emploi en République démocratique du Congo indiquent que les documents de voyage ont expiré suite à la fermeture des frontières. Lors de l'émission Iwanyu Havugamaki de la radio Isanganiro ce lundi, ces Burundais ont regretté mener une vie difficile. Ils plaident pour une dérogation spéciale des autorités burundaises pour venir renouveler leurs documents. Suivez-le. Moi, c'est Jean-Paul, un des Burundais qui vit au Congo. Franchement, nous menons une vie difficile. Les documents de voyage exigés à tout étranger, comme la CPGL, ont déjà expiré. Et c'est difficile de rentrer suite à la fermeture des frontières. Alors, quand on nous attrape, on est immédiatement mis au cachot. Nous demandons au président de la République de nous faire une dérogation spéciale en nous laissant passer par les frontières pour rentrer renouveler nos documents et retourner par après. Je veux moi aussi aborder dans le même sens que l'autre qui vient d'appeler partir d'Uvira. Ce n'est pas facile de vivre sans papier. Plusieurs sont détenus au cachot. Autre chose, parmi nous, il y a ceux qui avaient le projet de mariage. Mais suite à la fermeture des frontières, le projet est tombé dans l'eau. Nous venons de passer presque 2 ans sans voir nos proches. Nous demandons aux autorités de nos pays de prendre en main cette question afin de trouver une solution. Nous souhaitons rentrer dans notre pays natal. Moi, c'est Sidiak. Mon problème est qu'actuellement, ce n'est plus possible de rentrer au Burundi pour venir voir ma femme et mes enfants. On dirait qu'ils sont devenus orphelins et veuves. C'est vrai que des mesures ont été prises contre la COVID-19. Alors, mon inquiétude est de savoir si la COVID-19 persiste, on serait obligé d'abandonner nos familles et mourir de faim. On nous arrête jour au jour. alors que nous sommes dans les possibilités de renouveler les documents de voyage. Il y a celui qui a été attrapé dernièrement et qui n'est plus revenu. Et tant qu'on parle d'emploi, des anciens employés des sociétés parapubliques fusionnées à l'Office burundais de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction au Burra craignent d'être licenciés. Le syndicat des travailleurs des services techniques municipaux, CTMU, une de ces sociétés, réclame des contrats de travail et non passer des tests pour suivre l'exemple de fusion de la Sobjeya et Air Burundi. Reportage signé Armel Motori. Leta tuikoreye imyaka irenga 10 20 30 tuzoca tuja hehe tubajije nani shuturonka nico gituma tuko turitura abategetswe kugira ngo barabe uko budutunganiriza. Ces travailleurs de l'ex-CTMU, services techniques municipaux, se plaignent qu'ils viennent de passer environ 2 ans au service de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha sans contrat de travail. Innocent Niongabo, deuxième secrétaire du Citra 7, syndicat des travailleurs des CTMU, dénonce le fait que le conseil d'administration de le Buha a récemment pris la décision de faire passer des tests à ses travailleurs avant de signer des contrats, alors qu'ils ont de l'expérience, dit-il. Notre inquiétude réside au niveau des prochains recrutements des travailleurs que le Buha engage de faire très prochainement. Donc, nous ne voyons pas comment les fonctionnaires qui sont en fonction doivent faire des examens avant d'être affectés à l'OBO. Ce syndicaliste demande l'application de la loi et l'octroi des contrats sans condition. Nous demandons que notre employeur Obuha nous donne des contrats. Nous venons de passer 2 ans au niveau de l'Obuha avec nos salaires perçus mensuellement comme d'habitude, signés par les commissaires de l'Obuha. Il y a eu fusion, je donne un exemple de l'ALM et la direction des routes qui ont formé l'agence routière du Burundi, mais ça n'a pas causé de problème. Je donne un exemple aussi de la Sobjeya et Air Burundi qui ont formé Burundi Airlines, mais ça n'a pas donné de problème. Donc la fusion a été totale, sans exclure personne. Innocent Niongabo réclame également les arriérés sur les indemnités de déplacement que ces travailleurs des CTMU n'ont pas reçus depuis 2015 et de bénéficier des avantages de la mutuelle de la fonction publique. Il y a les 15% des frais de déplacement accordés par son Excellence Monsieur le Président dans les années 2013 qu'on n'a pas encore eu. Nous l'avons eu à partir du mois de décembre 2019. Donc c'est-à-dire que depuis 2013 jusqu'au décembre 2019, nous n'avons pas bénéficié ces frais de déplacement. Donc, nous demandons que ces frais de déplacement nous soient accordés. À partir de l'année 2015, jusqu'à l'heure où je vous parle, l'employé de CTMU ne bénéficie pas des soins de santé. Si un employé de CTMU tombe malade, il se fait soigner à 100%. L'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, Obuha, a été mis en place par le décret présidentiel du 24 mai 2019 et bénéficie d'une autonomie de gestion. Merci Armel Motore sur cette question et surtout en ce qui est de passation des tests pour les employés de l'Obuha avant la signature des contrats. Jean-Pierre Gatore, commissaire général de l'Office burundais de l'habitat, dit que la décision a été prise au sein du conseil d'administration et qu'il est sans équivoque. Il rassure toutefois que des mesures d'accompagnement vont être prises pour que personne ne puisse perdre du travail. Et sur la question d'assurance médicale et des indemnités de déplacement, Jean-Pierre Gatore a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Et après une courte pause, parlons transport. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous pouvez capter notre édition via le www.isanganiro.org, page transport, comme je vous le disais tout à l'heure, et cela à 13h05. Certains transporteurs en commun dans les bus du parking de Kanyosha derrière l'ancien marché de Bujumbura disent qu'ils ne savent pas où va l'argent qu'ils cotisent dans l'association, tandis que d'autres apprécient les travaux de l'association. Ces derniers affirment que leur cotisation les aide en cas de problème et dans les soins de santé. Les deux parties demandent la libération de leurs collègues chauffeurs emprisonnés et que le dialogue entre les membres de cette association continue. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Ce sont certains chauffeurs de bus de transport en commun du parking de Kanyosha situé derrière l'ancien marché de Bujumbura. Ils disent qu'ils ne savent pas où va l'argent qu'ils cotisent dans leur association Kakiru. Nous ne savons pas où va l'argent qu'on cotise. Nous comptions plus ou moins 150 millions, mais ils nous ont montré qu'il y a seulement 58 millions. On donnait l'argent au président de l'association. Ça fait 10 ans. Et si on demande, ça devient un problème. D'autres chauffeurs apprécient les activités de l'association, affirmant qu'ils bénéficient des soins et sont aussi aidés par l'association quand ils ont les problèmes au sein de leur famille. L'association a beaucoup aidé les chauffeurs qui sont ici et il y a d'autres qui sont ici mais qui n'ont pas d'office. Ils ne sont même pas membres de notre association. C'est ceux-là qui veulent salir le nom du représentant. Il y a un problème des chauffeurs avec beaucoup de rumeurs. Notre président, quand il a attendu notre rumeur, il a convoqué les gens à une conférence de presse. Les choses qu'on a parlé dans cette conférence, c'est pour discuter de trois choses. Première chose qu'il a discuté pour libérer les chauffeurs qui sont au prison de Mbimba. On a accepté cette chose. Et deuxième fois, pour savoir notre budget. Et troisième pour distribuer la monnaie qui est aux banques. Il a accepté. Je ne sais pas ce qui se passe pour les gens, parce que les choses qu'on a demandées à présent, il a accepté. Pour le moment, pour moi, je vois qu'il n'a pas de problème jusqu'à maintenant. Les deux parties demandent la libération de leurs collègues qui sont emprisonnés et que le dialogue continue pour le bon fonctionnement de leur association. Marie Mayonga Augustin Wigilimana, représentant légal de l'association Rojde, rejette les accusations et dit qu'il est étonné de son comportement au moment où tous les membres sont informés de la gestion de l'argent. Selon lui, ces gens n'ont que d'autres visées que de salir son nom. Suivez plutôt Augustin Wigilimana, qui est traduit en français par Edgar Nibogo, la stagiaire à notre station. C'est vrai que cet argent est collecté dans les parkings. Selon ce que nous sommes convenus, c'est une somme de 5000 francs qui est repartie en plusieurs parties, à savoir les frais pour les comités de sécurité, pour les convoyeurs et une somme pour les chauffeurs. Et le reste, c'est pour l'association. Quant à la somme de 200 francs, c'est la cotisation de chaque membre dans l'association. Après la réunion d'aujourd'hui, les propriétaires de cet argent ont récupéré leur cotisation. Moi, je n'ai pas fait 10 ans à la tête de l'association. La cotisation de 5000 francs a débuté depuis 2019, selon les projets de développement comme les soins de santé et autres. Moi, je ne comprends pas ces gens-là qui veulent déstabiliser l'association. Tout simplement, ce sont les anciens représentants des associations qui ne veulent pas de ces projets de développement. Ils ne veulent que salir mon nom en tant que représentant de cette association. Sport, à présent, les infrastructures sportives se trouvant à l'école normale supérieure aînée se sont bien entretenues dans le but d'abriter les différentes compétitions. C'est l'explication de l'encadreur sportif au sein de l'école normale supérieure pour ceux qui disent que ces terrains sont utilisés en général par les clubs locataires. Réverien Banzendoré fait savoir que les usages prioritaires sont les étudiants, les usagers prioritaires, pardon, sont les étudiants de l'aîné. Suivez-le au téléphone avec Jean-Marie Vianengendakouman. Nous avons beaucoup de terrains parce que nous avons un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de netball, deux terrains de netball, un terrain de handball et deux terrains de volleyball. Et sur tous ces terrains-là, il y a une organisation pour chaque terrain. Par exemple, pour le terrain de foot, du lundi au lundi, une seule équipe fait des entraînements là-bas. Certains étudiants disent que ce sont les clubs qui bénéficient beaucoup de temps par rapport aux étudiants. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense là aussi que c'est faux parce que nous avons du lundi au dimanche, nous avons un programme pour chaque équipe et les équipes aussi de l'institution ont un programme bien précis. Pour le football, pour les équipes, c'est lundi, mercredi, vendredi et samedi après 10h, c'est prévu c'est prévisionnel qu'il y a, qu'il pourrait y avoir des matchs amicaux. Pour le terrain de basketball, c'est libre, là, il n'y a aucune équipe. Pour le terrain de volleyball, là, une seule équipe fait des entraînements là-bas et tout le temps est réservé aux étudiants et réservé aux équipes de l'ENS. Et aussi pour le terrain de handball, parce que le terrain de handball contient aussi, c'est là où il y a le terrain de netball, peut y avoir une organisation un peu spéciale. Parce que là, on fait chaque jour, par exemple, si une équipe commence des entraînements 14h, on dit, vous allez faire des entraînements jusqu'à 15h30, et puis l'autre équipe fait des entraînements 15h30 jusqu'à 17h, et puis l'autre fait des entraînements de 17h à 18h. Et qu'est-ce que vous demanderez, que ce soit pour les étudiants ou bien pour ces clubs, afin que les compétitions puissent s'organiser dans le climat serein? Ce que je demande surtout aux étudiants, nous avons remarqué qu'ils sont beaucoup focalisés sur les études. Ils sont en stage parfois. Ils ont des horaires d'études qui arrivent jusqu'à 18h. Et là, c'est pourquoi vraiment on manque du temps. Et enfin, deux hommes parmi lesquels un infirmier à une clinique privée de la ville de Lumonge sont dans la main de la police de Lumonge depuis l'aube de ce mardi. Ils sont accusés d'avoir facilité l'avortement à une jeune fille qui reste introuvable selon la police de Lumonge, qui informe que leur dossier est déjà transmis au parquet de Lumonge, Jean-Pierre Misa. La police de Lumonge dit avoir mis la main sur deux hommes au lieu de travail dans l'une des cliniques médicales opérant dans la ville de Lumonge. Vers 1h du matin de ce mardi, le comité mixte de sécurité avait en effet obtenu des informations qu'une fille enceinte venait d'entrer dans cette clinique et après vérification, l'on y a trouvé un corps d'un bébé, mais sa mère s'était volatilisée et restée introuvable jusque ce mardi matin. Au niveau de la FENADEB, branche provinciale de Lumonge, l'on indique être inquiété par des cas de violation des droits des enfants qui prennent de l'ampleur ces derniers jours en commune de Lumonge. Cette fédération des associations militant en faveur de la défense des droits des enfants voudrait des sanctions exemplaires aux deux personnes arrêtées et la recherche et la traduction en justice de cette fille mère. La police à Lumonge dit que le dossier de ces deux hommes est déjà dans les mains du parquet de Lumonge. Trois jours venaient à peine de s'écouler qu'un autre enfant était brûlé au moyen du charbon incandescent à Mutambara chez son oncle paternel où il était élevé. Le présumé auteur de cette violation, qui est la femme de son oncle, reste introuvable. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Chronique santé pour revenir sur le pendant masque qui protège normalement contre la transmission de certaines maladies respiratoires comme la COVID-19 et la tuberculose. Le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikumwenayo précise que ça protège bien une fois qu'il couvre bien le nez et la bouche. Chronique santé avec Ornella Mucho. Un masque facial qui prend à la fois le nez et la bouche protège contre les maladies transmissibles respiratoires. Le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikumwenayo indique que dans ce cas, l'air inspiré et expiré sera filtré. Le masque facial, aussi appelé bico-nasal, c'est un masque qui protège contre la transmission des maladies à tropisme respiratoire, à savoir entre autres la COVID-19, la grippe, mais aussi la tuberculose qui est connue depuis longtemps. L'air qui va traverser le masque sera filtré. Les germes que vous allez mettre vont rester sur la face interne du masque. Et quand vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui parlent, qui toussent, qui éternuent, et que parmi ces gens, il y a des malades, l'air que vous avez respiré venant de ces gens va être filtré par le masque à tel point que les gouttelettes de salive ou de sécrétions bronchiques contenant ce virus vont être limitées ou barrées par le masque, ne va pas atteindre votre poumon. Il y a des masques à usage unique et d'autres à multi-usage. Selon Dr Ndikumwenayo, pour les masques à multi-usage, c'est mieux d'utiliser ceux fabriqués en coton. Depuis longtemps, il y a beaucoup de types de masques en fonction de leur indication. Et ce qui est largement connu actuellement, c'est le masque chirurgical. C'est le masque qui est utilisé longuement, un peu partout, pour se protéger contre le virus de la COVID-19. Sinon, vous savez qu'à côté de ça, il y a des masques qui ne sont pas fabriqués de façon industrielle, qui sont des masques en étoffe. Ce sont ces masques-là, fabriqués à partir du tissu, et généralement c'est un tissu en coton. Son pneumologue précise que c'est déconseillé que les petits-enfants ou les personnes avec déficience mentale portent des masques. Il donne des précisions sur ce que les personnes ayant des maladies respiratoires doivent faire. Les patients avec déjà un gène respiratoire, il faut qu'ils soient traités de ce problème avant que le mettre le masque. Parce que le masque chez ces patients risque d'aggraver leur respiration. De même, les patients avec une débilité ou les patients avec la conscience, l'absence de conscience, donc qui ne collaborent plus, qui ne sont pas coordonnés moralement et psychiquement. Et ces patients, ils ne servent à rien de porter le masque parce que ces patients, d'abord, ce n'est pas évident qu'ils vont le mettre correctement. Ensuite, ce n'est pas évident que quand il aura des difficultés avec le masque, il saura le gérer. De même, les petits-enfants, moins de 2 ans, qui ne sont pas coordonnés. Voilà, les 3 groupes. À noter que celui qui a la difficulté respiratoire, il en aura besoin, mais il faut que sa respiration d'abord soit normalisée. Comment bien porter, enlever ou quand enlever un masque? Rendez-vous dans la prochaine chronique santé. Point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci aussi à Emmet Toussaint Mitewoti qui l'a mise en onde. Deli Nibel Niwigira, j'étais à sa présentation. Et je dis également merci à Moïse Emissago qui était à sa réalisation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.